Solitaire au bout du bec, on se réveille au bruit du bep. Parle pas d'être solidaire, on t'a pas vu tout l'hiver. Pas de ceux qui parlent trop, je te laisse faire l'intéressant. Coup de couteau dans le dos, je compte ma liasse en guérissant. Guerre de test, un petit qui canne, le commissaire se tape des barres. Au fond de lui se cache un petit Zemmour. Plus de 20 ans dans le même palier, argent sale propre dans le même panier. Avenir plus clair en phare que Zénon. Y'a de la blanche de Montréal dans les narines de Tory Lanez. Y'a de la frappe en bas de mon hall pour les bobos de Paris Centre. Ça jette l'œil dans le périmètre, je check plus tes périmètres. Je vais dessouler sous Perrier, c'est pas de l'ombre dans Pérignon. Maman, ce soir je ne rentre pas, je m'endors en garde à vue. Je ne rentre pas, je m'endors en garde. Maman, ce soir je ne rentre pas, je m'endors en garde à vue. Je ne rentre pas, je m'endors en garde à vue. La brique est sur écoute, l'OPJ est sur tes côtes. Le daron est sous tension, mais le petit bonhomme a sur les dettes. Il charbonne sur le terrain, trop faire pour demander de l'aide. Ses baskets sont plus trouées, petit sourire dans l'eau dit loué. Tu veux nous voir chômer à vie, tu veux la peuf passer à l'île. Grandi dans un secteur hemi, même dans le monde ça laisse l'ami. J'ai de l'amour pour mes deux pites. L'humain n'est qu'un suceur de. Maman, ce soir je ne rentre pas, je m'endors en garde à vue. Je ne rentre pas, je m'endors en garde. Maman, ce soir je ne rentre pas, je m'endors en garde à vue. Je ne rentre pas, je m'endors en garde à vue. Maman, ce soir je ne rentre pas.